Ça nous amène à parler à Raymond Poirier qui est au bout du fil. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors, écoute, on beau temps, mauvais temps, sortie, pas sortie, on parle de numérique ce matin et on va parler avec toi du plan stratégique de technologie de l'information. Là, c'est un plan pour 2016-2020 du gouvernement fédéral. Alors, on va voir quelles seront avec toi là, les priorités qui ont été mises de l'avant du côté du gouvernement fédéral. Exactement. C'est toujours intéressant de regarder ce type de stratégie-là parce que ça nous permet de voir comment le gouvernement envisage les transitions nécessitées par le numérique dans une perspective interne. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'une vision pour le pays, pour le Canada, l'avancement citoyen et le reste, mais c'est vraiment pour les technologies de l'information à l'attention des nombreux et nombreuses fonctionnaires fédérales à la grandeur du pays. On parle quand même d'un poste de dépense qui est aussi, somme toute, relativement important. On dit qu'on parle d'à peu près 5 milliards de dollars de dépenses gouvernementales annuelles, un montant qui est resté stable au cours des dernières années. En plus, les ministères fédéraux dépensent 3 milliards annuellement pour des applications, des dispositifs informatiques, de la gestion de programmes. En plus, évidemment, d'une quand même bon groupe de professionnels spécialisés dans le domaine des technologies de l'information. Donc, ça reste quand même un gros secteur. Et évidemment, ben là, ce qu'on dit, c'est qu'on essaie d'entrevoir de quelle manière on envisage de garder ces gens-là à jour, on pourrait dire, pour les 4-5 prochaines années. C'est un rapport qui est sorti un peu plus tôt cet été. Un rapport qui dit, regardez, on va essayer de bâtir ça en respectant les attentes des citoyens dans la mesure où vous, moi, ben, on utilise de plus en plus d'outils, on s'attend à pouvoir avoir des services en lien avec ces outils-là ou à tout le moins de pouvoir communiquer avec le gouvernement en ligne de manière efficiente. Alors, si on est conscient de ces demandes-là de la part des citoyens, on semble conscient aussi que la réponse n'est pas encore entière et complète. On parle évidemment aussi de l'évolution du milieu de travail et des effectifs qui sera pris en compte. Si on le voit depuis, de manière générale, je pense, dans tous les secteurs de l'entreprise, c'est le phénomène du BYOD, Bring Your Own Device, donc l'idée qu'on apporte nos appareils, donc on veut utiliser nos appareils au travail. Ouais. Évidemment, il y a des questions de sécurité aussi qui orientent tout ça, et la perspective aussi que le matériel informatique qui est présent au gouvernement n'est pas nécessairement de première jeunesse, donc c'est une TI qui est jugée dans le rapport comme étant vieillissante et qu'il faut renouveler. Ouais. Concernant les services, ça, c'est un des axes, je pense. Oui, exactement. L'axe 1, je pense bien. Oui, en fait, premier axe. Donc, en fait, c'est quelques grands axes. Donc, les services, la sécurité, la gestion, puis ensuite, ce qu'on appelle la souplesse organisationnelle. Donc, au niveau des services de technologie, on parle essentiellement, je pense que c'est ce que je retiens de cette question-là, c'est le fait de mettre à jour les systèmes qui sont en place. On veut moderniser, entre autres, les centres de données. Et ça, c'est intéressant dans la mesure où le gouvernement veut s'orienter vers un changement organisationnel quand même qui semble assez, majeur, dans la mesure où on va passer de à peu près 500 centres de données locaux et on va essayer de développer ce qu'on appelle l'info-analogique, donc un cloud gouvernemental, un nuage gouvernemental. Donc, l'idée que les données ne seront plus nécessairement stockées localement sur une panoplie de fermes de serveurs, mais qu'on va plutôt essayer de les regrouper, les centraliser, et ensuite de pouvoir gérer de manière justement centralisée cet accès-là. Donc, il y a cet élément-là qui ressort beaucoup. Évidemment, on parle aussi, il y a beaucoup de points qui sont liés à, essayer de savoir c'est quoi les services qu'on a, qu'on offre, quels services qu'on pourrait offrir mieux, consolider les services qui sont en place et le reste, c'est évident, évidemment. Oui, oui. Mais aussi, il y a une notion d'interopérabilité, je trouve intéressante. Ça reste toujours un défi, surtout quand on parle d'informatique, donc d'un système à l'autre. Les langages ne se parlent pas nécessairement facilement. Alors, il faut pouvoir penser à des manières qui vont permettre au système de se parler entre eux pour, après ça, éventuellement, pouvoir aussi envisager une collaboration plus facile entre services, entre organismes, avec des entreprises, etc., etc. Alors, ça, on parle de bâtir une plateforme pour l'interopérabilité organisationnelle et d'exploiter une boutique d'applications mobile du gouvernement aussi en lien avec tout ça. Donc, de rendre des services disponibles plus largement, mais aussi de les rendre interopérables. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a la question de la sécurité aussi. Là, je pense à Hillary Clinton, on n'est peut-être pas là-dedans tout à fait, mais ça reste que c'est une question importante. Oui, c'est une question importante, une question fondamentale. En fait, le cas d'Hillary Clinton, je fais une petite parenthèse, en fait. La plupart des spécialistes en sécurité TI que j'ai eu l'occasion d'entendre en conférence disent toujours que le plus grand défi dans les organisations en termes de sécurité n'est pas les systèmes nécessairement, mais plus les utilisateurs des systèmes. Et plus l'utilisateur est haut placé, plus l'utilisateur représente un risque, parce qu'évidemment, il a accès à de l'information qui est plus privée, si on peut dire. Plus privilégiée aussi. Parallèlement, comme parfois, en fait, la psychologie fait que, bon, la personne se dit, c'est moi qui fais un peu les règles, ben moi, je peux bien l'amener, je sais que je vais en faire un bon usage. Donc, les hauts cadres représentent un risque peut-être un peu plus grand à ce niveau-là, et un défi peut-être un peu plus grand dans certaines organisations pour les conscientiser des risques, justement, utiliser des appareils personnels, des réseaux non sécurisés et le reste. Et la majorité des filles, finalement, de sécurité qu'on va recenser vont être le code d'employés plutôt que des systèmes. Cela dit, évidemment, dans ce plan stratégique-là, on parle, entre autres, justement, de sensibiliser les employés aux risques qu'ils représentent eux-mêmes. Mais sinon, on parle aussi beaucoup de sécuriser le réseau. Évidemment, si on parle aussi, dans le point précédent, d'un cloud centralisé gouvernemental, eh bien, évidemment, il faut le protéger. Il n'y a pas des tonnes et des tonnes d'attaques envers le gouvernement canadien sur le plan cybernétique. Mais il y en a quand même. On peut supposer qu'il y en a quelques-uns. On est un peu assez important pour ça, peut-être. Mais on est quand même un pays du G8. On a accès à certaines réunions, à certaines informations sensibles et privilégiées. Donc, on demeure quand même une cible pertinente, si on peut dire. Et il y en a quand même quelques-unes à ce jour. Il veut pas dire, en fait, qu'il n'y en a pas du tout, parce que je pense que, il doit en avoir de manière plus que quotidienne, je parlais pas au gouvernement, mais la quantité de fichiers robots et autres, et de virus, donc, ça doit se compter par centaines et par milliers, de manière hebdomadaire et quotidienne. Mais cela dit, ce qu'on dit, c'est, regardez, il faut sécuriser ce réseau-là, il faut développer des meilleures pratiques, il faut faire un meilleur profil, de vulnérabilité, et évidemment, tout ça, en pensant aussi à des systèmes de transactions, puisqu'on veut aller, on le dit dans les services, aller vers le web pour offrir des services aux citoyens et citoyennes. Donc, il faut aussi rendre sécure les transactions. Avec le plan stratégique, j'imagine aussi, on parle de valeurs. Est-ce qu'on aborde ce sujet-là? Bien, l'idée de la gestion, en fait, de mieux valoriser, mieux établir, mieux développer, si on peut dire, la gestion intégrée des technologies de l'information. Alors, on parle essentiellement, là, dans les grands points, c'est évoluer les pratiques. Donc, on reconnaît que d'un côté, si les systèmes sont vieillissants, mais les pratiques associées à ces systèmes-là le sont aussi. On ne gérait pas il y a 10 ans les systèmes comme on gérait aujourd'hui, mais un système d'il y a 10 ans va être quand même géré comme il y a 10 ans. Il y a certains éléments qui sont peut-être en vieux langage informatique qu'il faudra mettre à jour aussi. Alors, donc faut repenser un peu aux approches de gouvernance. On dit, regardez, on veut établir des priorités d'investissement, faire évoluer les pratiques, élaborer des architectures organisationnelles qui vont représenter, qui vont refléter cette évolution-là, et évidemment aussi apporter un certain soutien à l'innovation pour pouvoir permettre plus facilement son intégration à l'intérieur du gouvernement. Alors, ça reste à voir, là, mais ça reste toujours un défi. Plus l'organisation est grande, plus ça devient complexe de la faire avancer rapidement. Toujours une question d'agilité. Alors, de quelle manière, quelle place laisser à l'innovation? Ça reste une question qui me semble pertinente de se poser. Et qu'il n'y ait pas de réponse encore là, vraiment. Raymond, est-ce qu'il y a d'autres axes qu'il faut signaler, d'autres points? En fait, je dirais, on parle beaucoup aussi de perfectionnement professionnel, donc de bonifier un peu les employés eux-mêmes, les compétences des employés, de faire la vidéoconférence aussi de manière plus généralisée, pour diminuer les budgets de transport, d'intégrer le sans-fil de manière plus large, des mobilités d'effectifs, des outils de collaboration. Donc, c'est quand même un plan assez disons, je ne dirais pas ambitieux, mais qui couvre quand même la plupart des éléments liés à la gestion au travail. Évidemment, on reconnaît aussi qu'il risque d'avoir des difficultés, essayer d'en faire trop, pas avoir assez de budget, pas réussir à avoir une approche intégrée et le reste. Et ce sera intéressant de voir dans quelle mesure, dans le fond, l'organisation gouvernementale va évoluer d'ici 2020 et à quel point cette organisation gouvernementale-là sera-t-elle en retard par rapport à d'autres pays qui, eux, ont peut-être déjà pris le taureau par les cornes, qui sont déjà peut-être un peu plus avancés. Et tout ça parallèlement au fait qu'il n'y a toujours pas de vision nationale autant que d'intégration du numérique, donc de manière plus large, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie qui dépasse, si on peut dire, la gestion gouvernementale. Alors, ce serait intéressant de voir aussi de quelle manière ce point-là sera éventuellement intégré au niveau national. Ouais, ben écoute, on surveillera tout ça grâce à toi. En terminant, Raymond, parce que je vois le temps qui file, là, et je sais que tu es bien branché, est-ce qu'il y a des activités à surveiller cette semaine? Oui, on va essayer de le faire d'ailleurs sporadiquement, signaler les différentes activités à Québec, parce que ce serait quand même un lieu en belle ébullition. Et notamment samedi qui vient le 17 septembre, c'est la journée du logiciel libre à Québec. C'est organisé par l'INUC. Et eux, du côté du camp au 125 boulevard Charest-Est, ils organisent un après-midi de conférence. J'ai envie d'en apprendre un peu plus d'emblée sur le logiciel libre. Donc, il va y avoir deux conférences données par des spécialistes de la question qui vont dresser un état, si on peut dire, du logiciel libre au Québec et du logiciel libre dans le monde. Donc, pourquoi c'est important? Pourquoi tout le monde devrait savoir c'est quoi puisque tout le monde utilise et le reste? Et donc, ça va être à partir de 13h. Et à 15h30, il va y avoir une conférence plus spécifique sur une application photographique qui est disponible en libre et qui peut compétitionner de manière aussi efficace là, d'autres plateformes qu'on va utiliser pour la gestion de traitement des photos. Alors, si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur cette activité-là, c'est sur linuc.org, linuc.org. Disons-le. Raymond, merci beaucoup. Puis la semaine prochaine, on se reparle, tu seras avec nous en studio. Tu auras un invité. Exactement. Ben voilà, ben merci beaucoup Raymond, bonne journée. Merci à toi aussi.